Seni kimin andaban napsın olacak istiyor. Oy, patin, lefties of St. Patrick! Oh, petit chien sale, va-t'en chez vous! Allons! Il a l'air sur ce bâton! Vas-y, mangez de la barbe, ce type tabarnak! Hey, tu m'as pété à gueule, mon tabarnak!